C'est exact, dit Victorin. Mon beau-père, Monsieur Crevel, ancien parfumeur, un maire, je suis dans son arrondissement sous le nom de Mame Nourrisson, répondit-elle. L'autre personne est Madame Marneff. Je ne la connais pas, dit Madame Saint-Estève, mais en 3 jours je serai à même de compter ses chemises. Pourriez-vous empêcher le mariage? Demanda l'avocat. Où en est-il? À la seconde publication. Il faudrait enlever la femme. Nous sommes aujourd'hui dimanche, il n'y a que 3 jours, car ils se marieront mercredi. C'est impossible. Mais on peut vous la tuer. Victorin Hulot fit un bond d'honnête homme en entendant ces 6 mots-là dits de sang-froid. Assassiné ! Dit-il. Et comment ferez-vous ? Voici 40 ans, monsieur, que nous rompons le destin, répondit-elle avec un orgueil formidable, et que nous faisons tout ce que nous voulons dans Paris. Plus d'une famille, et du faubourg Saint-Germain, m'a dit ses secrets, allez. J'ai conclu, rompu, bien des mariages, j'ai déchiré bien des testaments, j'ai sauvé bien des honneurs. Je parque là, dit-elle en montrant sa tête, un troupeau de secrets qui me vaut 36 000 francs de rente. Et vous, vous serez un de mes agneaux, quoi. Une femme comme moi serait-elle ce que je suis si elle parlait de ses moyens? J'agis. Tout ce qui se fera, mon cher maître, sera l'œuvre du hasard, et vous n'aurez pas le plus léger remords. Vous serez comme les gens guéris par les somnambules. Ils croient au bout d'un mois que la nature a tout fait.